Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Ne te fais pas de soucis à cause de ton fils qui jusque-là a abandonné la voie de l'église. Continue à prier. Le Seigneur touchera ton fils et il sera un grand homme de Dieu. Prends courage, la vieille. Continue à prier. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Réveille-toi dans la prière. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Juges chapitre 12, 1 à 15. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Nous allons donc lire Juges 12, 1 à 15. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephté: pourquoi es-tu allé combattre les filles d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephté leur répondit: nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les filles d'Ammon. Et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les filles d'Ammon. L'Éternel les a livrées entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? Jephté rassembla tous les hommes de Galade et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galade battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient: vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Galade est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galade s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait: laissez-moi passer, les hommes de Galade lui demandaient: es-tu Éphraïmite? Il répondit: non. Il lui disait alors: eh bien, dis Shibboleth. Et il disait Shibboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galade le saisissaient et l'égorgeaient près des gueux du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Jephté furent juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephté le Galadite mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galade. Après lui, Ibstan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils et il maria 30 filles au dehors. Et il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Ibstan mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Elon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Elon de Zabulon mourut et fut enterré à Ajalon, dans le pays des Zabulon. Après lui, Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient sur 70 anneaux. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, mourut et fut enterré à Piraton, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites. Amen. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Faisons attention. Nous courons parfois les dangers des guerres civiles, des guerres entre frères d'un même père, d'une même mère, entre les frères d'une même maison, entre les frères d'une même région, entre les frères d'une même communauté. Vous voyez ici ce qui se passe. Il y a souvent cette semence de guerre entre nous, parce que le cœur de l'homme est mauvais. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien, fais attention, parce que ce que tu fais parfois, il y a tes frères et sœurs qui peuvent être jaloux de toi, qui peuvent te combattre. Regardez ici ce qui se passe. Il y a les frères, les Éphraïmites, c'est-à-dire les habitants d'Israël, de la tribu d'Éphraïm, sont venus combattre Jephté les Galadites. Les Galadites, c'était un membre de la famille de Manassé. Vous voyez, Manassé et Éphraïm étaient les deux fils de Joseph. Donc, ils étaient des frères. Mais ici, d'où vient la guerre? La guerre vient du fait que les hommes d'Éphraïm sont venus, ils ont reproché à Jephté le fait que Jephté ne les a pas associés au combat contre les Ammonites. Il dit, pourquoi tu ne nous as pas associés? Donc, on note ici qu'ils étaient des intolérants. Donc, à cause de ça, ils vont créer tout un problème jusqu'à dire à Jephté, nous allons te faire la guerre et nous allons te brûler. Du côté de Jephté aussi, il était rancunier. Écoutez sa réponse. Il dit au verset 2, Jephté leur répondit, nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon. Et quand je vous ai appelé, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Donc, il s'est rappelé de ce qu'ils ont fait. J'aimerais que nous puissions comprendre que dans une nation, dans une famille, nous ne devons pas garder rancune et nous devons éviter l'intolérance qui peut mettre à mal la cohésion sociale. Ça peut créer des guerres entre les enfants d'une même famille, d'une même tribu, d'une même nation. Soyons tolérants les uns vis-à-vis des autres. Et vous voyez, à cause de cela, il est dit au verset 4, Jephté rassembla tous les hommes de Galad, il livra bataille à Éphraïm. Et les hommes de Galad battirent Éphraïm. Il y a eu beaucoup de morts. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Il ne veut pas que nous puissions nous combattre entre nous, mais que nous puissions vivre en paix. Deuxième vérité, nous ne pouvons pas cacher notre vraie identité. Ce que nous sommes sera dévoilé un jour. Aujourd'hui, il y a des gens parfois qui viennent à l'église pour prendre des responsabilités alors qu'ils n'ont pas encore abandonné le mysticisme, la sorcellerie. Je parle à toi, sœur. Tu fais semblant d'être engagé. Tu vas souvent voir le pasteur et sa famille. Tu lui donnes même des enveloppes. Tu fais tout pour que tu sois diaconesse. Tu fais tout pour que tu sois élu au poste des responsabilités. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas encore converti. Ce que tu caches là, ta vraie identité sera dévoilée un jour. Aujourd'hui, même dans le ministère, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent. Ils se disent pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes. Mais il y a des gens qui ne sont pas de Dieu. Tu peux cacher ta vraie identité, mais laisse-moi te dire, tu seras dévoilé un jour. Regardez ici ce qui s'est passé. On parle d'un Éphraïmite, un habitant d'Éphraïm, quelqu'un de la tribu d'Éphraïm, qui était au milieu des Manassés. Et on lui a posé la question. On lui a posé la question s'il était Éphraïmite. C'était sa vraie identité. Comme il avait peur de mourir, il a dit non, il n'est pas Éphraïmite. Il a caché son identité. Donc, il se faisait passer comme quelqu'un de la tribu des Manassé. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le mysticisme, dans la sorcellerie. Il vient à l'église, on lui demande, est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu es chrétien? Il dit, oui, je suis chrétien. Je parle à toi. Tu te dis, tu es baptisé, confirmé. Et pourtant, tu es encore dans le mysticisme. Tu caches ton identité. Tu seras dévoilé. Alors, on lui a fait un test. Écoutez bien. Au verset 6, on lui a demandé de prononcer Shibboleth. À l'époque, là, on pouvait reconnaître quelqu'un par sa prononciation. Donc, il y a des gens qui ne pouvaient pas bien prononcer Shibboleth. Écoutez, lui, il a dit Shibboleth au lieu de Shi. Donc, il ne pouvait pas prononcer le Shi. Vous voyez, c'était la caractéristique des gens de la tribu d'Éphraïm. Alors que lui, il disait, il n'est pas d'Éphraïm. Lorsqu'il n'a pas su prononcer Shibboleth, il a prononcé Shibboleth. On dit au verset 6. Il lui disait alors, eh bien, dis Shibboleth. Et il disait Shibboleth. Car il ne pouvait pas bien prononcer. C'est quoi les hommes de Galad les saisissaient et les gorgeaient près des gués du Jourdain. Nous ne pouvons pas cacher notre vraie identité. Oui, tu seras dévoilé. Si tu n'es pas enfant de Dieu, écoute-moi bien, tu fais semblant, tu te déguises, mais le Seigneur va te dévoiler. Ce que tu es va toujours se faire connaître. Un jour, troisième vérité, nous devons savoir que les hommes passent. Le roi de ce monde passe, mais notre Dieu reste le même. Vous voyez, après Jephté, la Bible nous dit au verset 7, Jephté fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephté, le Galadite, mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galad. Vous voyez, tous les hommes ne règnent pas de la même manière. Il y a ceux qui peuvent faire moins d'années, d'autres plus d'années. Jephté a fait seulement 6 ans, il est mort. Et après lui, on dit un certain Ibstan de Bethléem fut juge en Israël. On dit il fut juge en Israël pendant 7 ans. Après Ibstan, qui fut enterré, il mourut, il y avait un certain Élon de la tribu de Zabulon. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Vous voyez, le nombre d'années diffère. Et après lui, on parle d'Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite. Il fut juge en Israël. On dit, lui, il fut juge pendant 8 ans. Mais il est mort, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous attacher à celui qui vit et règne éternellement. Notre Dieu ne change pas. Les hommes de ce monde passent. Le règne de ce monde passe. Les gouvernements de ce monde passent. Mais notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il ne passera jamais. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais vous inviter ce matin à chanter avec moi ce cantique pour le glorifier. Salimo santo masiae oh kumama libela nzambe na bomoi masia kumama Salimo santo masiae oh kumama libela nzambe na bomoi masia kumama Osalilizi bana bomoi oh kumama libela nzambe na bomoi masia kumama Salimo santo masiae oh kumama libela nzambe na bomoi Ozali libanga na bomoi toyemeli yo libela nzambe na bomoi masia kumama Ozali mosantu masia e oh kumama libela nzambe na bomoi masia kumama Ambisi ya mai bakochola bakokumisa yo nzambe na bomoi masia kumama Ozali mosantu masia e oh kumama libela nzambe na bomoi masia kumama Andeke likolo bako pepa bako sanjola yo ozali nzambe na bomoi masia kumama Ozali mosantu masia eh oh kumama libela nzambe na bomoi masia kumama Ozali mosantu papa eh toyemeli yo libela nzambe na bomoi masia kumama Ozali mosantu masia eh Kumama libela nzambe na bomoi masia kumama Kumama kumama kononanga kumama Kumama kumama mwana nzambe kumama Kumama kumama kono Yesu kumama Kumama kumama mwana nzambe kumama Kumama kumama yaya na biso kumama Kumama kumama mwana nzambe kumama Haleluya kumama haleluya kumama Amena bomo kumama haleluya kumama Amena nguya kumama haleluya kumama Ibanga na bomo kumama haleluya kumama Ibanga na toyo kumama haleluya kumama Haleluya Aye mele masia na mama yo yo Nana kumisa masia na mama yo yo Nasangula masia na mama yo yo Nakumisa masia na mama yo yo Aye mele masia na mama yo yo Nasangula masia na mama yo yo Nakumisa masia na mama yo yo Kumama lelo yo Yembe la ye, toko binde la ye, toko sangyo la ye, toko kumisa ye Amama to yembe la ye, amama to kumisa ye Amama to sangyo la ye, ilenge bo yembe la ye Papa to kumisa ye Uwele wale wa Angela, angela, angela, angela Oh, lelo yo kumama lelo yo kumama lelo yo kumama lelo yo kumama lelo yo kumama lelo yo kumama lelo yo kumama lelo yo kumama lelo yo kumama lelo yo kumama lelo yo Gloire au Seigneur, il est digne de louange et bénissons son saint nom, notre Dieu. Il s'appelle El Olam, il mérite la gloire, la louange. Élève ta voix, bénis son saint nom pour tout ce qu'il fait pour toi. Bénis son saint nom parce qu'il a fait de toi son fils, son serviteur. Bénis son saint nom, lui qui t'a gardé toute la nuit d'aujourd'hui. Je t'élève, Éternel, notre Dieu, notre Seigneur. Je te glorifie, je bénis ton nom en ce moment, ô notre Père. Toi, le Père de gloire, le Dieu vivant, le Dieu incomparable, le Dieu qui ne change pas. Toi, l'Alpha et l'Oméga, je t'élève en ce moment. Je te glorifie, toi, le seul vrai Dieu. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, j'exalte ton nom, notre Père, notre Seigneur. Toi, le Dieu plein d'amour, le Dieu qui nous a donné ton identité. Tu as fait de nous tes enfants. Oh, c'est pourquoi nous t'élevons en ce moment, nous te glorifions, nous te magnifions. Toi, le Dieu vivant, oui, le Père de ce monde passe, mais toi, tu ne passeras jamais, tes années n'ont pas de fin. Ô notre Seigneur, notre Dieu, nous t'élèvons, toi l'ancien des âges, toi le Dieu qui pardonne et qui veut également que nous puissions pardonner aux autres. Glorifie-toi, Seigneur, dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Notre texte du jour, c'est Juges, chapitre 12, 1 à 15. Vous pouvez réécouter cette émission, si vous le voulez bien, sur notre site web, www.radiofréquencevie.com. Je reprends, www.radiofréquencevie.com. Partagez avec des amis, avec des frères partout dans le monde. Ils peuvent prier avec OSB et expérimenter ce que vous expérimentez chaque matin et chaque jour. Nous venons de voir plusieurs vérités. Faisons attention à la guerre civile, à la guerre fratricide, à la guerre entre les frères et sœurs, à la guerre même dans l'église. Parfois, on se combat pour parfois nos intérêts égoïstes. Nous devons donc être tolérants. Nous devons user de sagesse. Nous devons renoncer à la rancune. Au nom de Jésus, prions le Seigneur afin qu'il puisse nous libérer de l'esprit d'intolérance, de l'esprit de rancune, afin que nous apprenions à vivre ensemble, à nous pardonner mutuellement, que nous ne puissions pas nous combattre les enfants d'une même nation, les enfants d'une même église, les enfants d'une même tribu, les enfants des mêmes pères, d'une même mère, comme nous voyons ici les Galadites et les Éphraïmites qui se sont combattus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Always been. Tendre Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te remercions ce matin, ô Père éternel, parce que c'est toi qui nous as réveillés. Nous te remercions, Père éternel, parce que si nous nous sommes endormis hier, c'est par ta grâce. Nous te remercions, Père éternel, parce que chaque jour, tu veilles sur nous. Ce matin, nous prions, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, pour nos différentes communautés, afin que frères et sœurs, dans le Seigneur, nous puissions vivre dans l'harmonie, dans la paix, dans la concorde. Nous prions contre toute forme d'animosité. Nous prions, ô Père éternel, contre toute forme de dispute, contre toute forme de division, contre toute forme de haine, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute racine de haine, toute racine de jalousie, toute racine de rejet soit extirpée de notre sein, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, ô Père éternel, pour une véritable harmonie, pour une véritable paix en notre sein. Que fils et filles du Seigneur, que enfants, servantes, serviteurs du Seigneur, nous puissions marcher dans la paix, nous puissions marcher dans la joie, et que partout où nous nous retrouvons, que ce soit à l'église, que ce soit dans notre lieu du travail, que ce soit dans notre quartier, que ce soit dans notre immeuble, que ce soit dans notre communauté, que ce soit au Père éternel, partout où nous nous retrouvions, que les valeurs de la foi chrétienne soient véritablement vues. Que la paix de Dieu qui surpasse toute chose soit véritable en nous et en notre sein. Nous prions également que tu nous donnes la force de véhiculer les valeurs de la paix. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous voyons combien aujourd'hui, dans le continent africain, il y a beaucoup de guerres civiles. Dans plusieurs pays, il y a des mouvements de rébellion. Il y a ceux qui prennent des armes. Il y a des gens qui se combattent. Il y a des gens qui se détruisent. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour nos pays africains afin que partout où il y a la guerre, que le Seigneur mette sa main. Que le Dieu de paix fasse en sorte qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'unité, qu'il y ait la cohésion sociale. Et là où il y a des conflits, que l'Éternel lui-même renverse les murs de séparation afin qu'il y ait le vrai pardon, la vraie réconciliation, et que les sœurs de la guerre s'éloignent de nos pays africains. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Te remercier ce matin, Yahweh Shalom, le Dieu qui arrête les conflits. Alléluia. Le Dieu qui établit la cohésion, gloire, l'entente, Jésus, la communion, le Dieu qui envoie la paix. Amen. Nous t'invoquons ce matin, nous te prions ce matin, toi qui as les yeux et tu vois, tu as les mains pour nous serrer dans tes bras, toi qui as les oreilles, tu attends les soupirs, les gémissements de tes enfants. L'Afrique, l'Europe, tous les continents sont en ébullition. Nous te prions ce matin, Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu de paix. Nous te demandons de maintenir la paix, de susciter ceux qui vont s'aimer la paix, qui vont apporter la paix par la prédication de ta parole, par la prière, pour que la paix soit dans nos pays. La paix soit dans nos familles, la paix soit entre les hommes, la paix, nous voulons la paix, Seigneur. Nous pleurons, Seigneur, et nous crions vers toi. Manifeste ta grâce, bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous ne pouvons pas cacher notre vraie identité. Si nous sommes réellement de Christ, le Seigneur va permettre que cela soit dévoilé. Mais ce qui est mauvais, c'est surtout ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent pasteurs alors qu'ils ne le sont pas, ceux qui se disent diacres, diaconesses, anciens de l'église alors qu'ils ne le sont pas. Nous allons prier afin que Dieu dévoile tous ceux qui sont dans le faux et qui se font passer pour ceux qui ne sont pas. Tous ceux qui sont dans le faux, qui se font passer pour hommes de Dieu, servants de Dieu, et qui ne sont pas, que Dieu les dévoile dans le nom de Jésus-Christ, et que Dieu révèle les vrais chrétiens, les vrais serviteurs, les vrais servantes, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de notre salut, le Dieu qui était, qui est et qui vient, le Dieu qui prête l'oreille à nos supplications, le Dieu qui nous rassasie notre âme de vie, le Dieu véritable, le Dieu terrible, le Dieu grand tout puissant. Ce matin, merci, merci et merci d'avoir élu ton domicile par ton esprit dans la vie de certains serviteurs, de certains hommes de Dieu, de tes enfants que tu as qualifiés et qui opèrent dans le spirituel par la foi, dans la prédication, qui marchent, Père, ces frères, ces jeunes serviteurs, ces chrétiens, on les reconnaît par leurs fruits. Et je prie que leurs œuvres progressent, soient encore des œuvres de lumière, qu'ils marchent dans la sainteté, dans la sanctification, en t'honorant, en te glorifiant, en marchant dans le fruit de l'Esprit. Père, distingue-les dans leur ministère, bénis-les. Par contre, au milieu d'eux, il y a certains qui se sont invités comme des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux enseignants, des pasteurs, des enfants de Dieu, pour détourner une multitude vers le gain matériel, pour détourner une multitude vers l'apostasie, vers les œuvres du diable. Cela, Seigneur, mets leurs œuvres en nu. Touche-les, convainc-les de péché, de jugement et de justice. Que leurs pensées, leurs activités au milieu des enfants soient vaincues et que ces faux, ces méchants serviteurs viennent à toi pour confesser Christ. Merci d'honorer tes enfants. Merci de bénir quelqu'un. Merci de visiter quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.